Un son pour son cadeau. ce n'est à votre âge. Et vous lui ressemblez, mais comme l'humble fleur des blés, et celle de la rose vermeille, Vincennette et sœur de Mireille. Devant les garçons assemblés, tout dire sans parler, et c'est caressant qu'on ne peut s'empêcher d'en rire. Comme Vincent, chacun ici peut vous le dire d'un regard tendre et caressant. Thank you. que Mireille commence. Puisque Vincent le veut, ami, faites silence. Nous allons chanter tour à tour. Sur la mer brûlante au signal. voici la saison mignonne, voici la saison où les galants font leur choix, où les galants font leur choix. L'amour vole et papillonne par les prés et par les bois. L'amour vole et papillonne par les prés et par les bois. Les jouvenceaux sont en quête de filles à marier. La belle fait une tête, le père se fait prier. Et plus d'un homme se donne, lui donne un nous se donne, lui donne un nous se donne, il passe à deux jolis doigts. Voici la saison mignonne, voici la saison, voici la saison pour les galants. tout partager, mon cœur ne peut changer. suis ta femme, malgré leur blâme, je t'appartiens. Fier et ravive, en cette vive, mon cœur n'en vive de plus doux bien. Que Dieu m'entende, ma joie est grande, c'est dans la monde, je suis tes femmes. Pour gagner toi. Thank you. Et malheur à toi, et malheur à toi.